Cinquième acte. La Gazette de Cyrano. 15 ans après, en 1655, le parc du couvent que les Dames de la Croix occupaient à Paris. Roxane, toujours amoureuse de Christian, s'est retirée dans ce couvent. Cyrano vient très régulièrement lui rendre visite. Mais ce jour-là, il est tombé dans un attentat et arrive, blessé à la tête. Pauvre ami! Mais ce n'est rien! Cela va finir! Il sourit avec effort. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne, toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle met la main sur sa poitrine. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Le crépuscule commence à venir. Sa lettre! N'avez-vous pas dit qu'un jour peut-être vous me la feriez lire? Ah! Vous voulez? Sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir. Ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était. Comme vous la lisez, sa lettre. Dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Je renvoie un petit qui vous est familier, pour toucher votre front, et je voudrais crier. Comme vous la lisez, cette lettre, et je crie adieu. Vous la lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour, d'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima, sans mesure, celui. Comment pouvez-vous dire à présent? Il fait nuit. Il tressaille, se retourne, la voilà tout près, fait un geste d'effroi, baisse la tête. Un long silence. Puis dans l'ombre complètement venue, elle dit avec lenteur, joignant les mains. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane, c'était vous? Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années? Pourquoi sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous? Ce sang était le sien. Lebré et Raconnot entrent en courant. À Roxane, vous souvient-il du soir où Christian vous parla sur le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient, cueillir le baiser de la gloire. C'est justice, et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante, à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, brouteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule et Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon, je ne peux faire attendre. Voyez, le rayon de lune vient me prendre. Il est retombé assis. Les pleurs de Roxane le rappellent à la réalité. Il la regarde et caressant ses voiles. « Je ne veux pas que vous pleuriez moins, ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donnez un sang double à ses voiles funèbres, et sur son deuil, sur vous, devienne un peu mon deuil. Il a, malgré vous, quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Il s'élance, l'épée haute. Et c'est... L'épée s'échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras de Lebré et Raguenaud. Roxane se penche sur lui et lui baisant le front. C'est... Cyrano rouvre les yeux, la reconnaît et dit en souriant « Mon panache !»